25.2 1. Bête noire. 2. Cause célèbre. 3. De rigueur. 4. Clientèle. 5. Contretemps. 6. Ensuite. 7. Nom de plume. 8. Savoir-faire.